Salut Charline. Alors, bah, quoi alors? Il y avait Jean-Marie Le Pen à la matinale ce matin. Ah oui, ça fait, on n'a pas peur à voir la chaise. Ah hein, bah oui, ça c'est l'âge. Hein, ouais. Pour 17h, il faut trouver une nouvelle chaise. Oui, bah, il faut surtout des sujets. Alors, oui, oui. Ah bah on est mal, il n'y a rien là, tu es super calme. Ça c'est sûr que pour rire avec Vanuatu, ah, c'est mort là. Je sais pas, les élections en Israël. Ah non, non, moi je maîtrise absolument pas le sujet. Sinon, il y a Matt Pokora qui a perdu des amis Facebook. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est une info. Ah ouais, c'est écrit dans le journal et puis c'est drôle. Mais oui, ça peut être un très bon thème. Alors, bonjour Jean-Louis Etienne, Matt Pokora a perdu deux amis Facebook, qu'en pensez-vous? Non, mais si, c'est intéressant parce que c'est sans doute pour ça que ce type part régulièrement en Antarctique. Mais quoi? Oui. Pour éviter d'être confronté à un monde où on retire des amis Facebook à Matt Pokora. C'est ça, bah, tu sais quoi, tu lui demanderas. Mais c'est vrai, il a raison, c'est presque philosophique. Là, les gars, on n'a rien. Okay, bah, alors, les départementales à ce moment-là. Ah ouais, voilà. Ah ouais, sur une échelle de 1 à 10, elles vous passionnent comment, les départementales? 3, 2, 1 et demi. Ah, voilà. Ouais. Donc, personne à la moyenne. On va trouver, Charline, on va trouver. Tu sais, quand Jean-Louis Etienne il part en expédition, eh ben, il sait pas ce qu'il va trouver, il part quand même. Parfois, paf, le coup de bol, il y a une présidentielle au Groenland et il se passe rien. Voilà. Allez, si. Allez, et puis toi aussi, tu dois t'intéresser à des sujets différents. Je suis désolé. D'accord. Guillaume, voilà. Pourquoi est-ce qu'il a perdu autant d'amis Facebook, Matt Pokora? Eh bien, parce qu'en fait, Facebook a supprimé les comptes sous pseudo. C'est marrant parce que Matt Pokora, c'est un pseudo. Ah, donc, mais c'est vrai, il a raison. Il son compte et là, il n'y a plus de problème. Mais c'est génial, c'est réglé. C'est comme réglé, ça. Terminé. Non, génial. Non, mais non. Quoi? Parce qu'on n'a plus de thème. Ah, ouais. On n'a plus de chaise non plus. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui passe l'actualité aux presses purées. Et voici les trois informations que nous allons écraser jusqu'à 18h. Ah, ça monte en puissance cette campagne présidentielle. Hein? Ah, c'est des départementales? Oh, bah pourtant il donne le meilleur de ses vannes, Nicolas Sarkozy, à propos des socialistes. Moins ils partagent d'idées, plus ils sont ensemble. Entre deux drones, il y a aussi Solar Impulse au-dessus de nos têtes. L'avion de Bertrand Piccard trace le sillage de notre avenir technologique. Économe en énergie, Solar Impulse, c'est aussi une vision romantique de l'avenir. Tout à coup, un inconnu vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. Rencontrez votre voisin de palier sur un site internet. Eh oui, admettons que vous soyez obligé de le rencontrer pour lui emprunter du sucre. Il va falloir passer le pas. Notez, il fut un temps où on regardait ses voisins d'un peu trop près. Dénoncez votre voisin, il est sûrement coupable. Et pour passer ces trois informations aux presse purée, je suis accompagnée du cordon bleu de la blague, Alex Vizorek. Mais elles sont bien, vos informations, ce sont d'excellents thèmes. Félicitations, Charline. Et autour de la table, une belle équipe de conquérants. À 17h20, en science, il y a une règle qui chapeaute toute recherche. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout peut être expliqué par Nicole Ferroni. Oh, c'est mignon. Et qu'allez-vous nous expliquer aujourd'hui? Nous allons parler de fatigue chronique. En deux mots. Formidable. À 17h30, celui qui pète la forme, et heureusement, parce que vu ce qu'il a mis au médecin hier, je lui souhaite de ne jamais devoir consulter. Sinon, pour un ongle incarné, il pourrait se retrouver amputé jusqu'au genou. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors aujourd'hui, je me suis intéressé au Paris Saint-Germain et à ses supporters qui aiment leur prochain. Même si je les encule quand même. Ouais. Pourquoi de vouloir leur faire l'amour dans leurs fesses? Très bon, bien. Bon. À 17h40, tapis rouge pour la star de cette émission. Et d'ailleurs, le rouge, elle le préfère sur les tapis que dans les positions politiques de ses collègues de travail lorsqu'ils critiquent les médecins. Et moi, je n'ose lui dire que le rouge est la seule couleur qu'elle m'inspire. Bonjour Clara Dupont-Moineau. Bonjour Alex. De quoi parlera-t-on? Eh bien, cette émission va décerner son prix, le couillard d'or, à tout média qui parle mal du Moyen-Âge. Très bien. Le couillard d'or, très bien. Écoutez ça. Ça part bien. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, et lequel aujourd'hui un référent de la République d'Antarctique. Vous êtes né sous le gouvernement provisoire de Georges Bidault. Vous devenez équipier, médecin équipier d'Éric Tabarly en 77, quand Pelé fait ses adieux au football. Vous êtes le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 86, quand sort le film 37-2 le matin. Vous effectuez la première traversée de l'océan Arctique en ballon en 2010, quand les mineurs chiliens sont emmurés puis délivrés devant les caméras du monde entier. Et donc, vous êtes, je vous laisse le dire de votre douce voix. Jean-Louis Etienne. Bienvenue. C'est lui. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. C'est vrai, on se disait, Jean-Louis Etienne, que plein d'aventuriers avaient plein de prénoms et pas de noms de famille. C'est vrai. Paul-Émile Victor, vous disiez? Alain Hubert, le Belge, qui avait fait beaucoup d'expéditions polaires. Et c'est là que Guillaume Meurice a ajouté... Comme les tueurs en série, Guy Georges, Émile Louis... Voilà, on voulait vous faire profiter de la petite blague avant l'antenne. Il n'y a pas de raison, chers auditeurs. Jean-Louis était là, sinon il ne serait pas là. Vous publiez Persévérer chez Paulsen, avec comme sous-titre « On ne repousse pas ses limites ». On les découvre, mais est-ce qu'on pousse quand même la découverte de ces limites? Ben c'est comme ça qu'on les découvre. Alors attendez, parce que là je piche déjà rien, alors qu'est-ce qui se passe? C'est philosophique. Non mais en fait on ne sait pas de quoi on est capable tant qu'on n'a pas été confronté. Et c'est ça que je veux dire, c'est que de temps en temps il faut se lancer un peu, il faut sortir un petit peu de la ligne jaune, sortir de sa zone de confort, explorer, c'est ça en fait, aller dans une zone qu'on ne connaît pas. Et on se rend compte qu'on a des capacités d'adaptation qui sont incroyables. Guillaume Meurice, il est toujours dans sa zone de confort. Hein. Bien, ça commence, alors, ça commence les attaques. Persévérer, vous racontez vos trois plus grandes expéditions. Et donc, on peut dire que c'est une autobiographie. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors, vous dites à un moment, j'ai abandonné toute carrière, toute installation sociale. Et j'ai pris un chemin solitaire dans le maquis du monde. Mais vous prouvez qu'on peut faire carrière dans le maquis du monde. Comment ça se passe dans le maquis? C'est un chemin de traverse quand même. C'est une vie inventée de toutes parts. Effectivement, j'ai un parcours qui est un peu sinueux. J'ai commencé par un CAP d'ajusteur. Vous voyez, je suis tourneur-fraiseur au départ. Après, j'ai fait médecine. J'étais interne en chirurgie. J'ai fait la chirurgie orthopédique. Mais j'avais envie de faire des expéditions. C'est un truc que j'avais depuis longtemps. Et la médecine m'a mis le pied à l'étrier de ces expéditions. Vous avez mentionné Tabarly. C'est comme ça que j'ai été recruté par lui. C'est lui qui vous a donné le goût, ça a été un déclencheur ou vous l'aviez déjà en vous? Le déclencheur, c'était, vous savez, quand j'avais repris la fac, j'étais assistant d'université et j'avais rencontré Tabarly peu de temps avant, je lui disais si vous cherchez un médecin pour la course autour du monde, voilà. Donc j'étais revenu à la fac, j'étais assistant et je reçois un jour un courrier d'Éric Tabarly, il écrivait tout petit comme ça, il m'expliquait qu'ils allaient aux Antilles, puis la course autour du monde, puis la Polynésie, puis machin et tout, ça va durer un an. Et je suis allé voir mon patron, je lui dis, regarde ce que j'ai reçu. Il regarde Tabarly, il adorait la mer. Il me regarde, il me dit, moi j'irai. Et j'ai dit, c'est ce que j'ai décidé de faire. Et donc Tabarly a été un virage. J'ai abandonné toute université ou toute carrière à ce moment-là. Et dans votre livre, vous racontez une séance de couture par moins 33 degrés. Et oui. Et j'avais rarement lu une séance de couture comme ça. Vous dites la salive gèle, parce qu'il faut que, il faut que le fil passe par le chat de l'aiguille. Le fil épaissi ne passe plus par le trou. Vos ongles se décollent et la pulpe de vos doigts se fend de crevasses. Une séance de couture par moins 33. Et oui, et puis vous ne pouvez pas tenir l'aiguille parce qu'elle est à la température ambiante, elle est à moins 33. Donc ceux qui ont des souvenirs de ski, quand on touche sans gants la barre du téléski, là, ce qui vous colle à la peau quand il fait très froid, c'est ça. Parce qu'en fait, on a de l'humidité sur les doigts et ça vous colle. Pour aller au pôle Nord, ce n'est pas un truc de super... Il n'y a pas de superman du froid. Ça n'existe pas. Il y a une chose sur laquelle tout le monde est égal, où tous les hommes et femmes sont égaux dans le monde entier, quelle que soit la couleur de la peau, l'origine, etc. Il y a une chose, on a tous en commun, c'est la température du corps. On est tous à 37 et on ne peut pas déroger. Et donc, il n'y a pas de superman du froid, si vous voulez. Quand il fait froid, il faut se couvrir et bien manger. Et donc, pour aller au pôle Nord, il faut surtout être un super campeur. Parce que coudre, effectivement, quand on a... C'est ça persévérer en fait, c'est ne pas se décourager quand il y a tous ces petits bobos quoi. Oh, même Poutine a la même température dans le corps, même Alain Juppé. Non, c'est un animal à sang froid, je crois que c'est un reptile Poutine. Mais oui, on l'appelle le Alain Juppé des steppes d'ailleurs. Persévérer, c'est publié chez Paulsen, on ne repousse pas ses limites, on les découvre avec vous Jean-Louis Etienne jusqu'à 18h et on aura l'occasion tout à l'heure, puisqu'on va parler de Solar Impulse, de parler de la construction de votre bateau vertical, le Polar Pod, mais ça je laisse un peu de suspense quand même. Gros teasing. Parce que c'est plus la journée de la langue dans les Français, dans les médias. Vrai. On peut dire teasing, c'est-à-dire on vous donne un avant-goût. Allez, vous êtes dans Si tu écoutes, j'annule tout sur France Inter. fraîche et Rona de Knack, comme les saucisses, sur France Inter. Et Alex Vizorek autour de la et table. Et autour de la table, si vous voulez vérifier, d'ailleurs, on est en direct vidéo, donc allez sur le site ou sur Dailymotion. Autour de la table, je vous le dis, au cas où vous ne vérifiez pas, il y a Clara Dupont-Mono, il y a Nicole Ferroni, il y a Guillaume Meurice qui a été rencontré les supporters du PSG. Oui. Et il y a notre invité Jean-Louis Etienne qui cet été passera 15 jours au Club Med de Djerba, sous 32 degrés en moyenne, ça vous changera, et ça, félicitations. Mais je savais pas que j'avais gagné. Si, je vous le dis, parce qu'en vrai, il faut arrêter le froid, c'est pas bon pour la santé. Allez, nous avons feuilleté la presse, écumé la radio, revue de presse en tandem. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas, mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Le parquet financier ouvre une enquête sur les déclarations de patrimoine de Serge Dassault. Oui, la justice va finir par rattraper Serge Dassault. Oui, cela dit, il court de moins en moins vite. Est excellente. Bon. On reste à Merci. Droite. J'ai beaucoup travaillé. Oui, après l'effacement des comptes dormants par Facebook, ce qui a fait perdre des amis à Matt Pokora, hein, mais aussi à Nicolas Sarkozy, qui est retombé sous la barre du million de fans. Oui, mauvaise nouvelle donc pour le mec qui a dû passer une journée avec Sarko pour rien. Ah bah oui, bah, il va devoir en passer une deuxième. Exactement. Autre victime des faux comptes, la page Facebook de Jean Tibéri qui retombe à 2 fans seulement. Voilà. Oui. Alors, lutte antiterrorisme à présent. Oui, la France procède au blocage des sites djihadistes. Désormais, une main rouge apparaît pour signaler que le site a été rendu inaccessible. Ah, donc la France bloque les sites djihadistes avec un dessin. Oui, c'est ça. C'est ce genre de mise en abîme. Passons aux élections en Israël. Est-ce que vous reconnaissez cet homme, écoutez bien, qui essaye de convaincre les électeurs de voter pour Benjamin Netanyahou? C'est Chuck Norris. Ouais, et quels sont ses arguments? Il dit qu'il a tourné 3 films en Israël et qu'il s'y fait beaucoup d'amis et qu'il veut que le pays reste tel qu'il est. Voilà. Ah ouais. Moi, je soutiens officiellement Syriza parce que j'étais en vacances à Corfou et j'adore la moussaka. Merci, Charline. Vous savez que c'est pas la première fois que Chuck prend une belle enveloppe pour défendre une noble cause. Ah oui, pour laquelle? C'était qui? Ah bah, écoutez. Chuck Norris a réponse à toutes les questions. Capitale du Botswana. Gaborone. La radio qu'il faut écouter. Europe 1. L'émission qui va vous surprendre. APA Don Lupa. Of course. Cyril Hanouna. Of course. Chuck Norris. Donc il n'est pas sûr de gagner, Netanyahou. C'est cela. Économie à présent. La banque HSBC a pris la décision de fermer tous les comptes des ressortissants britanniques de la filiale HSBC à Jersey. Oh, c'est fou la destinée de ces gens voués à un nouvel exil. Oui, c'est terrible. Et on termine par le rectorat. Ça va vous parler, c'est Nicole Ferroni d'Aix-Marseille qui doit faire face à une pénurie de professeurs. Il va donc recruter des étudiants pour enseigner le français au collège et au lycée. Mais attendez, parce que si les étudiants donnent des cours, ils ne pourront plus étudier les leurs. Oui. Et donc, ils risquent de rater leurs examens. Ah ben, je ne vous parle pas des collégiens qui vont rater leurs examens parce que c'est un étudiant qui leur a donné des cours. Ah ouais, ouais. Enfin, c'est pas grave, hein, il suffit de supprimer le redoublement. Quoi. C'est ça. Bon, voilà. Ensemble jusqu'à 18h avec Jean-Louis Etienne, on met l'actualité dans la prise. Je rappelle que vous publiez Persévérer, on ne repousse pas ses limites, on les découvre et découvrons les limites de la politique avec ce premier sujet. Hier soir, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy étaient en meeting en Île-de-France, une sorte de classico de la campagne départementale. Nicolas Sarkozy nous demande, ou m'a demandé, de garder mes nerfs. C'est un spécialiste de la question. Oui, je deviens fou. Je deviens fou. Regarde, je deviens fou, moi, regarde. Manuel Valls et Nicolas de Funès, ou si on mélange les deux, Louis Sarkozy. Ah, mais lui, il existe déjà, en fait. Je voulais dire au salut, il a perdu sa maman hier. Madame de Funès s'en est allée hier. Oui, c'est vrai, donc, ouais, effectivement. Alors hier, il y a eu un affrontement à distance entre le Premier ministre et le chef de l'opposition qui se sont envoyés des mandales par tribune interposée, ce qui donne vraiment l'impression qu'on est presque en campagne présidentielle, quoi. Alors je rappelle que ce sont quand même des élections départementales qu'on appelait d'ailleurs avant cantonales, d'ailleurs on est dit quand même les conseils généraux. Alors Jean-Louis Etienne, vous qui prenez énormément de recul sur ces choses, qui les voyez depuis l'épaule. Alors j'ai compris qu'hier soir ils étaient sur le ring mais pas sur le même. Exact. Mm-hmm. C'est ça. Ils sont battus par mots interposés. Et je trouve que Sarko est descendu en pro des deux. Oula. Ah oui. Vous voyez parce vous que je rugby, pense que... vous Oui, oui, moi je suis du rugby. Moi. J'étais ancien demi de mêlée du Castres Olympique il y a longtemps. Ah. Donc, oui, parce que je trouve qu'il il attaque bas et il a trouvé un challenger. Avec Valls, il a trouvé un challenger, vous voyez, qui est apparemment, il s'énerve, mais il ne fait pas de coup bas. Alors que l'autre est descendu dans la cravate, dans la chemise, vous voyez, t'as le slip dégueulasse bientôt. Moi, je pense qu'il faut qu'il fasse attention parce que si Valls l'énerve, il peut descendre encore d'un cran. Et c'est vrai qu'on les a souvent comparés, oui. Parce que Valls, ancien ministre de l'Intérieur, c'est Nicolas Sarkozy aussi, on a souvent parlé d'un style assez similaire. Oui. Donc forcément, mais l'autre, c'est l'ancien président quand même. Ouais, donc bah oui, il devrait, vous voyez... Retourner en D2, c'est comme D2 si Paul Bocuse retournait en cuisine et épluchait les patates. Dans quoi. Les propos, il est descendu en D2. Ouais. Un peu. Mais là, est-ce que j'imagine que vous avez un regard particulier sur le climat qu'il y a en France en ce moment, oui. et qui est tel que cet enjeu qui est local, avec les départements chacun une identité quand même, et qui remonte au niveau national et qui cristallise des peurs et des angoisses et un tournant et oui, un climat particulier. On perd un temps énorme, on perd une énergie, on perd du temps. La France a un potentiel géant. Moi, je voyage beaucoup et on entend parler. Effectivement, on a un potentiel. Il y a une jeunesse qui a des idées. Il n'y a pas que la jeunesse qui a des idées. Il y a un potentiel énorme. Et c'est toujours, toujours tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne va pas. Et donc, ça mine, on n'a pas... On a besoin d'un nettoyage, quoi, d'un toilettage. Toilettage, c'est beaucoup plus soft. Vous voyez ce que je veux dire, un toilettage de l'agressivité, de manière à laisser émerger les idées. Et parce que comme disent l'Athènes, c'est un pays de merde. Parce que c'est quand même les gens qui font la vie, c'est pas ceux qui parlent sans arrêt. Quoi. Mais pour vous, c'est une question de forme plus qu'une question de fond. Le fond est bon. Je dirais qu'il y a des idées, il y a du potentiel. Et la forme fait que ça détruit l'enthousiasme, ça détruit la capacité. On se limite. On est un pays incroyable, quoi. Mais on se limite par... Et la forme éclipse le fond. Oui, tout à fait. Et c'est toujours pessimiste, quoi. Moi, je m'en rends compte quand je... Maintenant, ça va, j'ai fait mes classes, quoi. Mais sans arrêt. Mais tu es sûr que tu vas aller là hein? Tu es fou, tu es un peu dangereux, tu es machin. Et toujours cette espèce de... On essaye de... Et c'est pour ça que je dis qu'on ne repousse pas ses limites. Il faut persévérer, parce qu'il ne faut pas écouter tout ce qui vous décourage. Quoi, parce qu'on est capable de choses que l'on ne sait pas. Et repoussez vos limites, allez jusqu'aux urnes dimanche. Tiens, pourquoi pas? Bah oui, évidemment, parce que c'est une aventure. Hein. Partez dans le maquis, prenez le sac à dos, la bouteille. C'est vrai que ça devient subversif de voter maintenant. Mais c'est oui, c'est une aventure, il faut sortir de chez soi. Hein. Donc dimanche, au pop-up, c'est parti. Nicole Ferroni, oui, vous aussi, vous prenez pas mal de recul sur les choses. Oh, quand même. Prenez votre respiration, c'est oui, votre oui, moment. On sait jamais. Écoutez, moi, dans le cadre de ma chronique, voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de fatigue chronique. Alors la fatigue chronique, donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas la fatigue qu'on peut éprouver avec écouter certaines chroniques. Non, c'est un syndrome beaucoup plus général qui peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe... Oups, pardon, n'importe où. Non, je plaisante, pardon. La fatigue chronique ne me touche pas, mais elle touche 150 000 personnes en France qui sont en proie donc à une fatigue extrême qui non seulement ne disparaît pas avec le sommeil et le repos, mais pour laquelle en plus on ne trouve pas de cause apparente, c'est-à-dire ni interne liée au dérèglement d'un organe, ni externe liée à une pollution de substances ou des présences de microbes. Et donc comme personne n'est en mesure de prouver, de comprendre leur fatigue, ces gens donc subissent en plus une pression sociale puisqu'on les prend pour des mythomanes. De toute façon, en France, il y a deux catégories de gens qu'on accuse d'être mythomanes. Ceux qu'on prend pour des gros flemmards et qui sont des gens fatigués, et ceux qui, comme Balkany, enchaînent les gros bobards et qui sont des gens fatigants. Et du coup, comme voilà, il y a donc chez ces fatigués chroniques ni traitement ni diagnostic, et ben le seul moyen qu'a trouvé le corps médical pour les soulager un petit peu, c'est de donner finalement un nom compliqué à cette maladie, à savoir encéphalomyélite myalgique. Pourquoi ? Parce que même si ça ne guérit pas la personne... ça permet, par la complexité et la peur que suscite ce terme, eh ben, de donner de la crédibilité aux concernés. C'est-à-dire que s'il demande à poser une journée de RTT pour encéphalomyélite myalgique, il l'obtiendra plus facilement que s'il la demande juste pour fatigue. Sauf que ce procédé, malheureusement, ne guérit pas les fatigués chroniques. Donc, ce à quoi ont voulu s'atteler des chercheurs américains. Donc, l'étude nous vient de l'Université de Columbia à New York, où des chercheurs, faute de trouver un microbe ou une grosse anomalie chez les fatigués chroniques, ont cherché une éventuelle anomalie même minime chez ces gens-là. Ils ont suivi donc 51 constantes sanguines chez 300 personnes atteintes et 300 personnes non atteintes. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé chez les fatigués chroniques? Je vous le donne en mille. Un taux de cytokines bien supérieur à la moyenne. Le truc on a un médecin de, avec dingue auquel, bien sûr, personne ne s'attendait. Alors pourquoi? Rappelons ce que sont les cytokines. Hein. Ce sont des substances qui sont émises par des globules blancs lorsque celui-ci rencontre un virus ou une bactérie. C'est-à-dire que le globule blanc en alerte va produire des cytokines lorsqu'il croise un envahisseur, et ces cytokines, en diffusant dans le corps, vont alerter, avertir les autres globules blancs, et du coup, grâce aux cytokines, il se produit une réponse immunitaire commune, efficace, d'où l'expression préférée des globules blancs, aux cytokines, aux cytophées. Sauf que c'est très bizarre, puisque ces cytokines sont normalement en réponse à l'introduction d'un microbe, et que justement, de microbes chez les fatigues chroniques, il n'y en a pas. D'autant que les cytokines que l'on trouve ici sont essentiellement des interleukines et des interférons gamma. Alors, quelle est la spécificité des interférons gamma? Déjà, pour nous, c'est de faire du lobbying pour notre radio, puisque le mot interféron fait un rappel avec France Inter, c'est pas des RMC férons. Donc là, du coup, il se produit chez notre directrice d'antenne, Laurence Bloch, récemment un taux de satisfaction énorme. Elle ne manquera donc pas de nous augmenter sur le champ. Et l'autre spécificité biologique, c'est que ces interleukines et ces interférons gamma sont surtout présents en cas d'infection virale. Et en fait, par cette découverte, peut-être qu'on se rend compte que dorénavant, que la fatigue chronique, c'est peut-être tout simplement à la base une infection virale qui pourrait entraîner un dérèglement de l'organisme qui d'abord se met en lutte contre l'infection virale et puis reste bloqué dans cette configuration de lutte. C'est-à-dire que l'organisme n'est plus épuisé par le virus dont il s'est débarrassé, mais par lui-même, parce qu'il continue à produire des messages d'alerte. Alors, même s'il n'y a pas encore de traitement, il y a quand même, ça nous apporte deux bonnes nouvelles. D'abord, l'assainissement du rapport employé-employeur, puisque du coup, l'employeur ne va plus soupçonner son employé d'être un glandeur. Il pourra dire « Michel, montrez-moi vos cytokines ». Et donc, il y aura une relation de transparence et de confiance. Et puis surtout, ça nous donne un espoir pour notre pays, pour la France, puisque, donc, comme dans le cas du corps, il y a d'abord ce virus de la crise euro, contre lequel la France a voulu se mettre en alerte. C'est la crise, ça ne va pas. Ça a contribué, du coup, les investisseurs à ce qu'ils fuient et à ce que les ménages épargnent au lieu de relancer la consommation. Donc, ça a épuisé le pays au lieu de le soigner. Et donc, pour la France, comme pour le corps, en fait, les signaux d'alerte de la crise ont été aussi dommageables que la crise elle-même. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on aura trouvé la solution pour notre corps, le cœur de notre pays battra plus fort. Oh, merci, wow. Nicole Ferroni. Vous devriez faire des cours à l'école de médecine. Oh, merci. Elle a démissionné de l'éducation nationale. Il y aurait du monde. Oui, le médecin que vous êtes a reconnu les ocytokines, bien sûr. Bien sûr, la médecine, vous savez, la médecine fait des progrès, mais pas moi. Donc, excellent slogan. Ce cours m'a intéressé. Ouais, Jean-Louis Etienne, on a envie de se remettre à la médecine avec Nicole Ferroni. Oui, plus, on a tout compris. C'est vrai, parce que les bons profs, c'est ceux qui nous racontent des histoires. Et vous avez du talent pour ça, vous devriez faire prof à l'école de médecine. Ça, on peut vous dire qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire. Nicole Ferroni, merci. Nous sommes en compagnie de Jean-Louis Etienne. Et là, de Vianney, par exemple, qui n'est pas là ou qui est là. Il arrive. Vous êtes à la bonne adresse sur France Inter. Derrière, on va parler de Solar Impulse et du prochain projet de Jean-Louis Etienne, le Polar Pod. Rien à voir avec l'iPod. Et si vous arrivez maintenant, vous avez raté des jeux de mots sur le cytokine. Percé de plus, j'ai la peau craquelée. Depuis toi desséchée, quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de Liesse, où j'ai trouvé ta main, bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris en collier. Et mon cou, tu l'as tordu. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es où? Des nuits d'ivoire sur ça, je t'en dois. Si les tiennes sont noires, non, je ne t'en veux pas. S'y va la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Pas là, mais t'es pas là, mais t'es où? Pas là, mais t'es pas là. Soyons la ruche, la ruche d'un futur en fait. Bienvenue sur la FM. C'était Vianney, pas là, dans la playlist France Inter. Vous êtes à la bonne adresse. Nous sommes avec Jean-Louis Etienne, qui était en train de raconter à Guillaume Meurice que quand il part très longtemps, oui, vous revenez, vous vous reconnectez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les informations, ce sont toujours les mêmes. Ah ben voilà. Je me souviens, en rentrant de la course autour du monde, ça avait duré, on était parti un an presque, vous voyez. Et vers les Açores, on a commencé à capter un onde courte. Et on capte peut-être France Inter, certainement, ou RFI, je ne sais pas. Et donc, tout d'un coup, on éclate de rire tous parce qu'ils cherchaient la table ronde des négociations. Cette fameuse table ronde qui existe, mais oui, vous voyez, qui est partout dans le monde, il y en a plein, oui, mais c'est toujours la table ronde. C'est toujours la table ronde. Donc. C'est pas les mêmes qui sont autour, mais c'est toujours. Mais oui, parce que comme ça, il n'y a pas de dominant. C'est le principe des chevaliers de la table ronde. Ah, voilà. Personne ne domine puisque c'est rond. Ah oui. Oui, ah, comme ici. Donc on est tous à égalité. Comme pour ici où cette table est ronde. Oui, oui. Dans Si tu écoutes, j'annule tout. Et au milieu de cette table ronde, enfin, sur un débord, non, pas de bord. Enfin, bon. Dans là, un coin de cette table moi, ronde. Aidez-moi, je me noie. Il y a Guillaume Meurice, Jean-Louis Etienne. Je vous le présente. Il fait du comique d'investigation. Accrochez-vous. Oui, surtout accrochez-vous aujourd'hui parce que je vais vous parler géopolitique avec l'analyse d'un expert suédois en la matière, un certain Zlatan Ibrahimovic. D'après les conclusions de ses travaux, la France serait, je le cite, « un pays de merde ». Alors, c'est une analyse qui est prise très au sérieux par tous les observateurs. Une analyse poussée, oui. Ah oui, elle a fait la une des journaux, elle a été commentée, disséquée. C'est une découverte comparable à celle de Darwin et sa théorie de l'évolution qui prouve que l'homme descend du singe, sauf le footballeur, bien sûr, qui lui descend du blaireau. Et puisqu'on parle footballeur, il faut signaler aussi que ce monsieur Ibrahimovic est également membre d'un club de football qui s'appelle le Paris Saint-Germain. Alors je suis allé ce matin devant la boutique officielle de ce club à la rencontre des fans. Qu'est-ce qui leur plaît autant chez ces joueurs? Franchement, c'est leur jeu, l'organisation, la stratégie, leur tempérament. Là, le dernier match que j'ai vu, c'est PSG-Chelsea. C'est dommage, 2-1, mais bon, c'est pas grave. Ah, vous avez pas regardé jusqu'au bout alors, il y avait 2-2. Ah oui, il y avait 2-2. Non, je n'ai pas regardé jusqu'au bout, non. Ah bah oui, ils sont qualifiés. Ah, super. Voilà. Bah écoutez, moi quand je peux faire plaisir et puis que ça coûte rien, je m'en prive pas. Donc là, on vient d'entendre un fan du PSG qui vit dans une grotte, donc depuis 15 jours. Mais de toute façon, le sujet du jour n'est pas le football, mais la géopolitique. Alors, question à un autre supporter, la France est-elle un pays de merde ? La France, non. L'arbitre de PSG Bordeaux, oui, c'est une sacrée merde, on peut le dire. Ah, c'est une erreur d'arbitrage ? Ah oui, clairement. Zlatan a eu raison. Hein. Mais ça veut dire que lui, il fait jamais d'erreur ? Si, si, il fait des erreurs, bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer l'arbitre qui dit « Zlatan a raté un but, quel pays de merde ?» Non, bah non, mais déjà, ça devait se passer en off, il l'a pas dit devant les caméras, etc. Ah bah si, on l'a vu. Oui, mais c'était quelqu'un qui filmait, c'était pas officiel en soi. Oui, alors c'est vrai, hein, il l'a pas dit devant une caméra, mais devant quelqu'un qui filmait. Hein. Et oui, il y a une subtilité. Et la géopolitique, tout comme le football, hein, c'est affaire de subtilité. Et à propos, écoutons la réaction d'un joueur de l'OM, Dimitri Payet, à l'issue du match Marseille-Lyon de dimanche. C'était également dans les vestiaires et à l'attention du corps arbitral. C'est paniqué ! Voilà, on s'est fait niquer, enculé. Alors là, on quitte la géopolitique pour aborder les sciences humaines et les mœurs des footballeurs et de leurs supporters. Et il faut dire que la sodomie, il tient une place prépondérante. Retournons voir le supporter du PSG. Bon, est-ce que vous chantez par exemple Marseille, Marseille, on t'encule ? Non, non, je suis pas comme ça, mais même si je les encule quand même. Parce que vous savez quand même que l'homosexualité est punie, elle est condamnée au Qatar. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est des rivalités depuis longtemps, je pense que... Voilà, même nous, si on nous lançait ça sur Paris, ce qui est le cas parfois, on le prend à la rigolade, c'est pas... Ah, mais si vous enculez des gens au Qatar, vous allez mal finir. Hein. Mais non, mais non, mais non. Mais si, mon grand hein. Le Qatar, qui est donc, je le rappelle, le propriétaire du PSG, d'où ma question à cet autre supporter. Bon, est-ce que vous pensez que le Qatar est un pays de merde ? Non, bah non. C'est un pays qui nous a permis d'avoir le club où il est aujourd'hui, donc on va pas cracher dessus. Ouais, mais quand même, c'est un pays qui est dirigé par la charia, où il y a quand même beaucoup de discrimination, de choses comme ça. Mais dans ce cas-là, si on commence à penser ça, il faudrait penser à toutes les relations que la France a avec le Qatar aussi. Oula, non, hein, comme ils sont en train de tout racheter, j'ai pas envie de me mettre mal avec eux. On sait jamais, hein, si on finit sur Qatar Inter, avec Charline Vahanounaker. Donc, le Qatar est formidable, et les dirigeants qataris du PSG aussi, eux qui ont pris une excellente décision la semaine dernière en interdisant de stade un salaud de supporters qui avait lancé un chant contre le prix des abonnements qu'ils jugeaient trop élevé. Qu'en pense-t-on devant la boutique du club ? On ne peut pas interdire quelqu'un parce qu'il dit la vérité. Les abonnements sont beaucoup trop chers. Après, ils essayent... Enfin, je pense que le Qatar essaye de transformer le public du PSG qui était réputé un peu skin en public un peu bobo et c'est dommage parce que l'ambiance n'est pas trop au rendez-vous. Ah oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai que des skinheads pour mettre de l'ambiance, c'est quand même formidable. Je les conseille fortement pour vos anniversaires, mariages, bar mitzvah. Non, peut-être pas bar mitzvah. Non. C'est une mauvaise idée. Mais interdire de stade les pauvres, c'est une bonne idée, n'est-ce pas ? C'est malheureux mais c'est normal. C'est faut comprendre. C'est légitime. Il faut que les propriétaires du club qui ont acheté, il faut qu'ils puissent avoir un retour sur investissement. Moi, je trouve ça tout à fait normal que les prix des places ont augmenté. Si on veut que le PSG ait des grands joueurs comme David Luiz qu'on achète à 50 millions d'euros, faut le comprendre. Faut comprendre. Eh ben voilà, ça c'est raisonnable. Il faut comprendre. Il faut comprendre aussi la subvention de la mairie de Paris à la Fondation PSG, 450 000 euros par an. On pourrait en parler, hein, mais on a déjà évoqué le sujet de la sodomie tout à l'heure. En tout cas, ça nous donne quand même un indice, pas sur notre pays dans sa globalité, mais sur sa capitale en particulier, qui possède donc des élus de merde. Merci Guillaume Meurice. Voilà. Quelle frondeur. Et voilà. Vous avez vu ça, Jean-Louis Etienne qui est avec nous, qui publie Persévérer, qui va voir avec nous qu'on peut investir de l'argent dans des projets qui regardent plutôt vers l'avenir, le développement durable, parce qu'on va parler de Solar Impulse, qui est en plein tour du monde, avec à bord deux éco-aventuriers qui réalisent leurs projets grâce à des éco-innovateurs, puisque l'avion fonctionne à l'énergie solaire. L'air, la comédie musicale. Solar Impulse, alors j'ai regardé sur le compte Twitter, actuellement il est en Inde, voilà, il doit bientôt, alors ensuite tenir, ce sera ça le principal exploit, je pense, tenir 5 jours et 5 nuits au-dessus du Pacifique, rien qu'à l'énergie solaire. D'après les échos, c'est l'entreprise aussi collaborative du 21e siècle qui s'esquisse, parce que bah, tout le monde y a mis un petit peu, enfin plusieurs marques ont donné leur appui, hein. Ouais, voilà. Oui. Alors, votre regard là-dessus sur Solar Impulse, Rebels et cette aventure-là Quand je connais bien Bertrand Piccard et quand il m'a dit « j'ai un projet de faire le tour du monde avec un avion solaire », c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, vous aimez bien Bertrand Piccard, vous aimez bien le froid en règle générale, de toute façon. Je suis tout le temps surgelé, oui. On a perdu Charlie Van Lubecker. Ah oui. Et donc, je trouve ça élégant. Je trouve ça élégant de faire. Voilà. Alors maintenant, effectivement, il y a un pilote par avion parce qu'effectivement, il y a une énorme surface de panneaux solaires. Donc l'avion, et même s'il est léger, il est lourd, il emporte une personne. Et ils peuvent pas en permanence être là. Mais vous avez raison. Le grand saut, ça va être la traversée de l'océan. Parce qu'alors, il faut comprendre que la nuit, les batteries se déchargent, donc il descend. Il descend. Et puis on attend avec impatience l'arrivée du jour, le soleil, et hop, avec le soleil qui revient, les panneaux chargent, exactement, ils remontent. Donc ça va durer 5 jours et ça va être palpitant. Et alors, un projet aussi pour l'énergie intelligente et renouvelable, bien sûr. Et alors, vous, Jean-Louis Etienne, vous êtes en train de construire votre bateau vertical qui s'appelle le Polar Pod, parce qu'il est sur des pieds, comment ça marche Oui, on peut dire, en fait, il est polar comme polaire et pod comme plateforme océanographique dérivante. Avec, vous avez raison, c'est 3 tubes, c'est un flotteur en fait, qui fait 120 mètres en tout, et qui va dériver avec le courant qui fait le tour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est le pôle sud, c'est un continent, et qui est entouré par ce que les marins appellent les 40e hurlants, les 50e bruissants. C'est parce qu'il y a du vent tout le temps qui fait le tour de l'Antarctique. Et c'est une zone qui est assez méconnue. Et donc l'équation, c'était quel type de bateau on peut inventer pour séjourner dans des conditions de confort quand même, parce que c'est un océan assez agité. Vous avez l'air inquiète. Nicole Ferroni est passionnée. Elle vous dévore du regard, si vous voulez. Et voilà. Et donc on a fait un bateau qui n'est pas posé comme tous les bateaux sur la mer, parce que c'est ce qu'on appelle la zone de conflit, là où le vent et la mer se rencontrent. Le conflit, il crée des vagues. Et donc, le bateau, il est posé là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'un bateau bouge, si vous voulez. Et donc, pour échapper à cette zone de conflit, pour ne pas bouger, il fait 80 mètres de tirant d'eau. C'est un grand tube. Et donc, il est très stable. Nous avons fait des essais sur des maquettes en bassin. Et c'est extrêmement stable. Et alors, c'est le courant qui va l'emporter. Donc, il n'y a pas de moteur. Et c'est l'énergie éolienne. Il y a du vent tout le temps qui va nous donner l'énergie. Combien de temps, alors? D'après les simulations qu'ont fait Mercator et Météo France, qui étudient ça, ça devrait durer 3 ans. Mais alors, il y aura des relèves d'équipage, bien sûr. On ne part pas pour 3 ans. Ouais. Attention, parce que ça déjà existé, le bateau vertical Costa Concordia, ils avaient tenté l'expérience. Vous partez donc 3 ans avec le Polar Pod, et quand vous rentrerez, il y aura certainement une table ronde quelque part dans le monde. Oui. Et celle des chevaliers de Clara Dupont-Mono. Belle transition. Bravo Charline. Mais oui, puisque l'actualité c'est que cette émission a décidé de décerner un prix. Et oui, un prix à tout média qui parle du Moyen-Âge pour désigner quelque chose, soit d'arriéré mental, soit de barbare. Alors, il se trouve qu'au Moyen-Âge, il y avait une certaine grosse forme de catapulte qui s'appelait le couillard, et c'était lié à cause des contrepoids en forme de bourse. Alors donc voilà. C'est là que ça devient le nom du premier ministre québécois. Il s'appelle Couillard. Robert Couillard. Ah bah écoutez, ça va aussi être le nom de notre prix, le couillard d'or, donc, que nous allons remettre aujourd'hui. Alors, qui gagne le couillard d'or cette semaine? Nos confrères du journal Le Parisien sont les élus pour un article paru dimanche sur les 4 ans de guerre en Syrie. Et je vous cite l'article « L'État islamique s'est imposé au fil des mois avec des méthodes dignes du Moyen-Âge, décapitation, crucifixion, lapidation, exécution de masse ». Couillard d'or, amplement mérité donc, puisque tout est faux. Le Moyen-Âge obéit à une logique de capture et de rançon, et non pas à celle de la mort. Il ne pratiquait pas la crucifixion, ça c'est les Romains. Et la lapidation non plus d'ailleurs, puisque la lapidation c'est la mort par la foule. Or dans le droit féodal, c'est le suzerain qui donne la justice, c'est pas le peuple, surtout pas. Et enfin, en matière d'exécution de masse, évidemment, c'est le XXe siècle plutôt qui bat certains records. Et donc, encore une fois, voici ce pauvre Moyen-Âge flanqué d'une piètre réputation. Heureusement, je vois votre regard inquiet, Jean-Louis Etienne, mais je vous rassure, il y a un homme, un justicier. C'est pas Alex Vizorek, c'est un médiéviste. Il s'appelle Michel Zinc et il vient de publier un livre dont je vous avais déjà parlé ici, qui s'appelle Bienvenue au Moyen-Âge et qui est la compile de ses chroniques tenues sur cette antenne l'été dernier. Et il montre combien le Moyen-Âge était subtil. Par exemple, pour désigner la joie, le Moyen-Âge, il avait 2 mots. Il y avait la joya, le bonheur, comme nous l'entendons aujourd'hui. Et puis, il y avait un mot que nous avons perdu, qui est le joy. Et en occitan, le joy, ça désigne quelque chose de très particulier. C'est la joie inquiète qui est liée au sentiment amoureux. Vous savez, quand quelqu'un vous manque et que ça vous pince un peu le cœur et en même temps, ça vous exalte, c'est un mélange de griffes et de caresses. Et bien ça, le Moyen-Âge le désignait, rappelle Michel Zinc. Il n'y a pas d'amour, si malheureux soit-il, qui naît son exaltation. Il n'y a pas d'amour, si heureux soit-il, qui naît son inquiétude. Alors ça, évidemment, Alex Zurek compatit amplement. Alors, évidemment, vous me direz, le Moyen-Âge, il était pieux, on ne pouvait pas aimer facilement, il y avait l'œil de Dieu partout, qui regardait, qui scrutait, qui condamnait. Que nenni, Dieu est extrêmement bienveillant. Il ne condamne pas les amants, il les comprend, il les sauvera. Mais en même temps, les amants doivent savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà, donc autrement dit, le Moyen-Âge eh bien, a une morale de l'amour. Ça semble contradictoire, mais c'est exactement ça. Et le meilleur exemple, c'est Tristan et Iseut. À l'époque, tout le monde était un peu choqué parce que d'un côté, Tristan et Iseut, ils ont bu le filtre. Donc, ils ne s'aiment pas vraiment de façon naturelle, c'est artificiel. Mais de l'autre, tout le monde adorait le côté très exagéré du désir, parce que ça, le désir, le Moyen-Âge adore. Il adore le désir et beaucoup moins le mariage. L'amour dans le mariage permet un assouvissement immédiat. Il ne permet pas cette exacerbation du désir. Il faut que l'amour soit difficile, il faut que l'amour soit dangereux. Il faut surtout que la femme ne doive rien à l'homme. Et oui, cette chronique est spécialement dédicacée pour vous, Alex Bizurek. Mais vous avez vu, le Moyen-Âge, il est beaucoup plus progressiste que prévu, n'en déplaise aux couillards d'or. Je vous donne quelques données, mais en vrac. Les dames, elles prennent les armes pour défendre leur terre, comme Sibylle, la comtesse de Flandre, qui était enceinte jusqu'aux yeux et qui s'est défendue en 1147 avec, je cite, un cœur viril. C'est comme ça qu'ont écrit les chroniqueurs. En croisade, elles sont là les femmes, elles sont vaillantes, exactement comme Marguerite de Beverley, partie pour Jérusalem en 1180. Je cite, « J'allais et venais sur les remparts, un chaudron sur la tête en guise de casque. Bien que femme, j'avais l'apparence d'un guerrier et bien que rempli de peur, j'apprenais à cacher ma faiblesse. » C'est merveilleux. Et je ne parle pas évidemment des femmes médecins, des femmes d'affaires, des abbesses ou des épouses passages. Conclusion de Michel Zinc. Le Moyen-Âge, en ce sens, est féministe. Il faut que la femme soit libre d'accorder ou de refuser ses faveurs, d'accorder ou de refuser son amour. Donc voilà, donc si je résume, le Moyen-Âge, il est subtil, féministe, coquin, valeureux, et sa mauvaise réputation valait bien un couillard d'or. Je vous redonne les références. Bienvenue au Moyen-Âge de Michel Zinc, c'est paru aux éditions France Inter Équateur. Merci Clara Dupont-Mono. Pour débaptiser le Moyen-Âge. Déjà moyen, on enlève moyen. Moyen, on enlève moyen, le grand âge peut-être. Mais pas le grand âge. À réfléchir. Mais non, le grand âge, ça fait un peu octogénaire. Ah, oui, ça fait un peu mélange. Jean-Louis Etienne, il est explorateur, océanographe, médecin et en plus, il est linguiste. Allez, avec vous, on va aborder le troisième sujet. J'ai rencontré mon voisin de palier sur Internet. Oui, c'est un article de Rue 89 où comment on n'ose plus frapper chez nos voisins de peur de les déranger ou d'être dérangé. Ah, monsieur Prescovic. Prescovic, Thérèse. Bonsoir, monsieur Mortez. Bonsoir, madame Thérèse. Oh, l'ascenseur est encore en panne. Oui. Et puis votre collègue, celle qui parle fort, est coincée dedans. Nous sommes au courant, monsieur Prescovic. Nous avons fait le nécessaire. C'est très gentil de nous avoir prévenu. Non, mais je descendais, c'est pour la Noël. Je vous ai apporté, c'est un cadeau de mon pays. Oh, écoutez, ça nous sommes confus, hein. Surtout qu'on n'a rien prévu du tout, Pierre. Ben oui, pour vous, non. C'est-à-dire, on va vous parler franchement, monsieur Prescovic. Comme on ne vous voyait plus dans l'immeuble, on pensait que vous étiez décédé. Voilà, donc j'ai rencontré mon voisin de palier sur Internet, un article de Rue 89. Je ne sais pas si ça peut être le début d'une série, hein. Je pars acheter des clopes à Chicago et je rentre pour dîner. Alors, il y a un autocollant « Cher voisin, share to share » partagé sur votre porte, oui. Un site avec 10 000 utilisateurs, dont 20% à Paris. Et l'objet le plus proposé, c'est l'appareil à raclette. Oui, c'est comme ça. Alors, Jean-Louis Etienne, c'est quand même vous attendiez pas à celle-là. C'est-à-dire, on s'attend pas à ça, mais c'est-à-dire que pour emprunter... Mais en Savoie, non Non, mais même à Paris. Donc, pour emprunter, je sais pas moi, un tournevis, une foreuse, on passe par Internet pour aller frapper chez son voisin. Est-ce que c'est pas magique, quand même? Oui, j'ai quelques souvenirs. J'ai fait des remplacements de médecins. Et je me souviens, je remplaçais un médecin, j'habitais dans un immeuble. Et on savait que le médecin remplaçant était là. Et donc, vous avez les gens qui viennent vous frapper à la porte en tant que voisin pour vous dire « J'en profite que vous soyez médecin pour vous demander quelque chose. » Et dans le même style, j'avais un autre copain qui était mécanicien. Et dans les campings, camping, par exemple, ne dis surtout pas que je suis mécano, ouais, parce que c'est tout le temps pareil. Le mec, il dit, ah tiens, vous êtes mécanicien. Bah, écoutez, j'ai mon démarreur qui a des problèmes. Donc, ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. Il ne faut pas tout dire. Les informaticiens, c'est pareil. Ouais, ah oui, chaque fois. Ouais, ouais, ouais. Bah, humoriste, c'est pareil. Hein. Humoriste, c'est pareil. Je sais pas, il y en a pas autour de la table. Donc on peut pas... En tout cas, attendez, j'ai une petite blagounette. Est-ce que je peux vous la faire? Oui, j'arrive tout le temps. Allez-y. Mais vous aviez pas une blagounette sur Solar Impulse? Mais c'est sur Solar Impulse, si. Oui, oui, bah, c'était l'idée que le Solar Impulse a l'envergure d'un Boeing 747, mais ne pèse pas plus qu'un 4x4. Et c'est un peu comme Charline et moi, nous sommes carrossés comme des Boeing et nous sommes légères. Oh, ouais, j'ai bien fait de Nicole. J'ai bien fait de vous tendre la main. Elle mature depuis 14 heures. Mais voilà, on était parti d'un sujet sur Internet qui contribue malgré tout à réhumaniser un peu son immeuble. C'est bien, c'est bien. Parce qu'on finit par rencontrer ses voisins par Internet. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Et à manger de la raclette. Exactement. À cette heure-ci, on vous propose encore une petite revue de presse parce que deux, trois choses. L'Alex Vizerec, il en a encore sous le coude. Win. Yes. What do you want? Me to go back? Needs no to win. No, there's no problem. News. Au kilo. There is a bit more. Je vous le mets. Et on commence par une confidence d'Anne Hidalgo. Oui, elle aimerait agrandir Roland-Garros, le lieu où ça se passe. Et Ségolène Royal s'y oppose. Et apparemment, la ministre de l'écologie a fait une contre-proposition. Ah bon? Ségolène voulait que le tournoi de Roland-Garros se joue sur les pelouses de Jean Bouin ou du Parc des Princes. Mais attendez. Elle propose de jouer Roland-Garros sur l'herbe. Oui, ben je ne sais pas ce qu'elle fume, mais en tout cas, c'est de la très bonne terre battue, vraisemblablement. On continue dans le sport, Alex. Oui, avec l'attaquant ivoirien Salomon Kalou qui risque 10 000 euros d'amende pour un fait assez extraordinaire. Je vous donne un indice, essayez de trouver. Entendez? Ibine. Il a crucifié quelqu'un? Non. Alors, ça, il joue à Berlin. Ça peut vous donner un indice. Le mur. Il a chopé un bout de mur. Exactement. En fait, il a fait semblant de récupérer un morceau de mur pour une émission de télé allemande. Et il a vraiment été avec un marteau et vraiment une pioche, je crois. Uh-huh. Et résultat, il risque 10 000 euros d'amende si en 89, les gens qui faisaient ça étaient pris pour des héros. Aujourd'hui, ça leur coûte. D'accord. Et on termine par une étude californienne. Oui, qui dit que plus vous consommez de la pornographie, plus votre vie sexuelle sera épanouie. Et ben, je peux vous dire que dès qu'il y a une fille qui voudra coucher avec moi, ben, elle va pas être déçue. Hein. Merci Alex Vizerec. Le rire grave de Nicole Ferroni. Il vous fait rire, le Alex Vizerec. Jean-Louis Etienne, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Bah écoutez, je rappelle donc votre livre « Persévérer, on ne repousse pas ses limites, on les découvre ». C'est paru chez Paul Sen. Donc on peut dire autobiographie avec notamment vos trois grands voyages, vos trois grandes explorations. Et puis le futur projet qui est donc le Polar Pod prévu pour... Alors ce sera quand Le départ prévu en février 2017. Dans le grand courant circumpolaire antarctique. Ah, donc vous aussi, vous visez 2017. Oui. Vous aussi, vous êtes déjà lors de 2017. Ah, j'aurais incroyable. Pas dû le dire. Mais si, si. Non, c'est parce que tout le monde vient. Tout le monde vient en 2017 déjà, et puis en 2024 avec les JO. Et, les... et vous vous dites à un moment, je vais arrêter ou pas? Non. Voilà, je le sentais. Non, je me dis non, j'aime beaucoup ça. J'imagine. Et le livre est une. C'est tenir face à la tentation de l'abandon. En fait, c'est ça le livre, d'en persévérer. C'est pas un super héros. En même temps, c'est bien de s'abandonner un peu, non? Oui, mais oui, là, quand on est dans les positions où est Jean-Louis Etienne au milieu de l'Arctique, c'est pas une bonne idée. Et celui qui n'abandonne jamais non plus, parce que nous, on doit vous abandonner à cette heure-ci. Non. Merci Jean-Louis Etienne, merci vraiment. Donne le mot de la fin, celui qui n'abandonne jamais non plus, Nicolas Sarkozy, qui résume ainsi le PS en une phrase. Moins ils partagent d'idées, plus ils sont ensemble.